Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un film documentaire choc au succès planétaire. Fahrenheit 9-11 de Michael Moore, en français 9-11, autrement dit 11e jour du 9e mois, 11 septembre 2001 bien sûr. Le 23 mai 2004, à la surprise générale, ce film américain remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes. Cela faisait près de 50 ans qu'un documentaire n'avait pas été couronné sur la croisette. La polémique enfle, et vite, car le film de Michael Moore est un brûlot contre la politique du président américain George Bush. Et tous les médias en parlent. Bonne presse, mauvaise presse, peu importe. Tout le monde a un avis sur Fahrenheit 9-11. Si les Américains le voient, Michael Moore, lui, y croit. Son documentaire peut faire basculer l'élection présidentielle américaine de novembre 2004. Objectif, tout sauf Bush. De l'élection présidentielle controversée en 2000 jusqu'aux attentats du 11 septembre, de la traque de Ben Laden à la guerre en Irak, ce film est aussi le portrait d'une Amérique paranoïaque, droitisée, réactionnaire. Notre invité aujourd'hui, Laurent Saïm, journaliste pour Kappa, Canal+, ITL, CBS et surtout correspondante aux États-Unis de 1992 à 2017. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Mora. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Flora Bernard. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. Samedi 22 mai, Cannes, palais des festivals, traditionnelle montée des escaliers sans tapis rouge. Les photographes crient pour accrocher le regard des stars. Le réalisateur américain Michael Moore a troqué son jean basket-casquette pour le smoking de circonstance. Car monsieur fait partie de la liste des nommés pour la Palme d'Or. Les récompenses tombent, la soirée avance, la tension monte. Puis vient le tour de la Palme, la récompense suprême du festival. C'est le président du jury, l'espiègle Quentin Tarantino, qui libère la salle de cet interminable suspense. Parce que depuis la veille, comme d'habitude, les bruits courent. Le réalisateur de Pulp Fiction, Palme d'Or, 10 ans plus tôt, annonce le résultat. The jury is proud to award the Palme d'Or this year at the Cannes Film Festival to Fahrenheit 9-11. Fahrenheit 9-11, comme il dit, l'emporte. Michael Moore semble ne pas y croire. Il met sa main devant sa bouche en signe de stupéfaction. Oui, bouche bée, c'est qu'à de le dire. Puis le trublion du documentaire américain, au physique rondouillé de bonheur, retrouve ses esprits et son esprit et se dirige vers la scène pour prononcer son discours de remerciement. Il s'adresse aux membres du jury en mode rigolard. You just did this to mess with me, didn't you? Vous avez fait ça pour me mettre dans les ennuis. Content de cette palme qui dérange, Tarantino rit également. Premier contre-pied à la tradition, en tout cas, récompenser un documentaire à Cannes. Une grande première depuis 1956, où la palme avait été décernée au Monde du silence, réalisé par Louis Malle et Jacques-Yves Cousteau, le célèbre commandant Cousteau. À la fin de son discours, Moore est célébré par une standing ovation de 9 minutes. Quelques jours plus tôt, lors de la projection du film, 2000 spectateurs l'avaient applaudi pendant 20 minutes. De quoi donner du courage pour affronter les critiques qui ne tardent pas à arriver. Sur scène, le jury tient à rassurer Michael Moore. Malgré le contenu politique du film, c'est bien son cinéma qui est récompensé. Tarantino et ses acolytes savent bien qu'ils vont subir les foudres des critiques après ce choix pour le moins audacieux. De fait, dès le lendemain, la polémique enfle, on parle de palme politique. Le film ne serait pas du bon cinéma. Dans le contexte préélectoral de 2004 et de la guerre en Irak, Tarantino et les autres membres du jury auraient profité de ce documentaire pour se payer bouche. C'est pas du cinéma, c'est pas du journalisme, c'est pas de la politique. Et puis, le film serait trop simpliste avec des raccourcis. Bref, un documentaire de propagande similaire à celle du gouvernement américain. Il y a aussi, derrière cette palme d'or, l'ombre de Harvey Weinstein, producteur de Michael Moore, mais aussi de Quentin Tarantino, président du jury. Alors, conflit d'intérêts? Pour la première fois de son histoire, le jury tient une conférence de presse pour justifier ses choix. C'était prévu, et ça tombe bien, car des questions, la presse en a des tonnes. Tarantino y répond. Quand on juge un film, ça n'a aucun sens d'opposer le côté politique et la valeur cinématographique. Je ne veux pas être accusé de ça. Je veux que ce soit bien clair. Même si ce film avait dit des choses dans lesquelles je crois, mais qu'il n'était pas le meilleur du festival, je m'y serais opposé. Si ça avait été un mauvais film, et même si ce film avait dit des choses que j'avais envie d'entendre, je l'aurais poignardé. Interrogé par la presse, Michael Moore joue la carte de l'humour. Vous me demandez comment Bush va réagir à ma palme d'or ? Il ne sait même pas ce que c'est. Réaction de la Maison Blanche, tout en sobriété, plutôt bien vu d'ailleurs. Ce film montre que l'Amérique est un pays libre où chacun peut dire ce qu'il veut. Oui, l'Amérique est un pays libre et la France un pays rebelle. Car la palme d'or cannoise est d'autant plus symbolique qu'elle est décernée dans un pays qui a dit non aux États-Unis un an plus tôt pour aller faire la guerre en Irak. Une guerre basée sur le mensonge des armes de destruction massive prétendument possédées par Saddam Hussein. Pour comprendre l'impact du film, il faut retracer le parcours de Michael Moore. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce cinéaste combat George Bush avant Fahrenheit 9/11. Un an avant la sortie du film, en effet, il profite d'une autre cérémonie, aussi prestigieuse que Cannes, pour donner son avis sur le président américain. C'était en mars 2003, à la remise des Oscars d'Hollywood. Récompensé pour son film Bowling for Columbine, Michael Moore s'en prenait déjà à George Bush. Nous vivons une époque où un homme nous envoie à la guerre pour des raisons fictives. Whether it's the fiction of duct tape or the fiction of orange alert. Nous sommes contre la guerre, Monsieur Bush. Honte à vous, Monsieur Bush. S'attaquer à des grands et des puissants, c'est le leitmotiv de Moore. Depuis son adolescence, cet autodidacte n'est jamais passé par la fac et s'est frayé un chemin entre militantisme et journalisme. À 18 ans, il est élu au conseil d'administration de son lycée. Dans la foulée, il fonde un journal d'extrême-gauche, le Flint Voice. La voix de Flint, cette ville industrielle du Michigan, berceau du constructeur automobile General Motors. En 1989, il se lance dans le documentaire en y mettant toutes ses économies. Son combat, dénoncer l'immense plan de restructuration mené par Roger Smith, le PDG de General Motors, dans sa région, 30 000 licenciements. Testing, 1, 2, 3, 4, hi. I'm Michael Moore. In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30,000 people out of work. Le film intitulé Roger and Me est un immense succès. La carrière cinématographique de Michael Moore est lancée. Il sort ensuite deux films et lance une émission de télé, The Awful Truth, l'affreuse vérité en français. Dans ce show qui mêle humour et enquête, il dénonce les injustices sociales du pays. Engagé politiquement, il participe à la campagne du candidat écologiste Ralph Nader lors de la campagne présidentielle de 2000. Mardi 7 novembre 2000, jour du scrutin aux États-Unis. Ce soir-là, les télés du pays annoncent un résultat très serré entre le républicain George Bush, fils de l'ancien président du même nom, et le démocrate Al Gore. Très vite, l'attention se focalise sur un état clé, qui de fait va faire basculer l'élection, la Floride, gouvernée par le frère de George Bush, Jeb Bush. Dans la soirée, les médias annoncent la victoire du démocrate Al Gore. Et c'est par cette scène que commence le film Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Al Gore et ses partisans célèbrent la victoire, et la voix off commente. Alors, tout cela n'avait été qu'un rêve ? Car tout à coup, le rêve tourne court. Fox News, dirigé par le cousin de George Bush, annonce la victoire de ce dernier. Et les autres médias en braillent. S'ensuit alors le plus grand imbroglio électoral de l'histoire des États-Unis, avec des fraudes, des recomptes, des décisions de justice. Et au final, une victoire de Bush avec 288 voix d'avance. Le 13 décembre, le nouveau président s'adresse au peuple américain. La présidence est plus qu'un honneur. C'est plus qu'un bureau. C'est une charge à porter et je vais m'y consacrer pleinement. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse l'Amérique. Dans son film, Michael Moore dénonce cette élection, ce braquage électoral perpétré en famille avec Jeb, le frère à la tête de la Floride, le cousin à la tête de Fox News et les amis de Bush père à la Cour suprême. Michael Moore met l'accent sur les tensions qui ont accompagné la prise de fonction de George Bush. Exemple. Le jour du défilé de prise de fonction à Washington, la limousine du nouveau président se prend des œufs lancés par une immense foule de manifestants anti-Bush. Le nouveau président ne peut même pas sortir de la limousine pour la marche traditionnelle vers la Maison-Blanche. Moore décrit les déboires de son début de mandat. Difficulté à faire passer des lois, perte de majorité au Sénat, et il raille ce président qui passe 42% de son temps en vacances. Et le film se transforme en comédie. George Bush au golf, George Bush au tennis, George Bush à la pêche, George Bush avec une tronçonneuse, avec une séquence mémorable où Michael Moore rencontre le président Bush en personne, qui lance au réalisateur « Trouvez-vous un vrai travail ?» Et puis, après 8 mois de cette présidence baroque, survient le 11 septembre 2001. Dans sa séquence consacrée aux attentats, Moore fait le choix fort de laisser un fond noir avec la bande-son des attentats. Le cinéaste refuse le sensationnalisme des images, mais il n'hésite pas à basculer dans l'émotion en rendant hommage à l'un de ses amis morts dans les attentats. En tout cas, il a le mérite de se mettre à hauteur des victimes. Du rire aux larmes, c'est la méthode Moore qui cherche à émouvoir le spectateur. Des gros plans se succèdent sur les visages ébahis des New-Yorkais qui regardent les tours jumelles frappées par les deux avions avant de s'effondrer. Image toujours très saisissante 21 ans plus tard. Ce 11 septembre 2001, George Bush assiste à un cours dans une école maternelle. Un conseiller, on connaît tous l'image, vient le prévenir qu'un avion a percuté l'une des deux Twin Towers. Très vite, cela ne fait aucun doute. Le pays est attaqué. Et que fait le président américain? Il reste assis dans la salle de classe, le regard vide, écoutant avec les enfants la maîtresse qui leur lit le livre « Ma biquette ». Moore utilise ces images de Bush perdues dans ses pensées et il imagine un monologue intérieur. Qui m'a trahi? Saddam Hussein, cet ami à qui papa a livré plein d'armes? Ou les talibans qui sont venus au Texas quand j'étais gouverneur? À moins que ce soit les Saoudiens. Ah bah oui, c'est eux. Oussama Ben Laden apparaît alors à l'écran. Mais il vaut mieux que j'accuse ce type-là, c'est dit Bush. Parce que cette fois, c'est Saddam Hussein qu'on voit sur les images. Michael Moore développe tout son argumentaire pour dénoncer les mensonges de l'administration Bush après le 11 septembre. Et il pointe du doigt l'opportunité que les néoconservateurs ne veulent pas manquer, s'attaquer à Saddam Hussein, même s'il n'a aucun lien avec Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Moore reprend un extrait de l'émission 60 minutes, diffusée sur la chaîne CBS, où Richard Clark, coordinateur national pour la sécurité, explique ce que Bush a dit le lendemain des attentats. Vous arrivez le 12 septembre pour préparer la riposte à Al-Qaïda. Parlez-moi de la réaction des membres du gouvernement. Ce jour-là, que vous a dit le président ? Le président a pris un ton intimidant et nous a clairement indiqué, à moi et mon équipe, qu'on devait découvrir que l'Irak était mêlé aux attentats, car ils avaient l'Irak en ligne de mire avant d'arriver au pouvoir. S'est-il renseigné sur d'autres pays ? Non, c'était l'Irak, Saddam. Trouvez quelque chose. Parlait-il plus de l'Irak que d'Al-Qaïda ? Absolument. Il n'a pas mentionné Al-Qaïda. Dans son documentaire, Moore cherche à réaliser un thriller politique. Un film profondément distrayant, dit-il, histoire de tenir le spectateur en haleine. Son titre, Fahrenheit 9-11, est une référence au roman d'anticipation de Ray Bradbury, publié en 1953 et adapté par François Truffaut, Fahrenheit 451. Ce chiffre est une référence à la température d'auto-inflammation du papier, en degrés Fahrenheit donc. Chez Moore, Fahrenheit 9-11 fait référence bien sûr au 11 septembre. Et symboliquement, il estime que c'est la température à laquelle brûle la liberté. En cette année 2004, ce n'est pas le seul réalisateur à confectionner un film sur le président américain. William Carell sort le documentaire Le Monde selon Bush dans un style totalement différent. Carell et Moore ont pourtant un point commun dans leur film. Carell l'explique dans La Palme et le Brûlot. Aussi bien dans le film de Moore que dans le mien, il n'y a pas l'ombre d'une demi-information nouvelle. Tout citoyen américain qui voulait s'informer, il suffisait d'ouvrir le New York Times ou le Washington Post ou le New Yorker pour trouver toutes ces informations. Si dans les deux documentaires, il n'y a pas de révélation, effectivement, la charge contre Bush est tout aussi violente. Mais le style est fondamentalement différent. Quand Moore fait du grand spectacle, Carell s'applique à décortiquer le passé et l'entourage du président américain avec de nombreux témoins directs qui livrent leurs analyses face caméra. Et tout est passé en revue. Le passé alcoolique de Bush, ses liens avec les évangélistes et les néo-conservateurs et la mécanique du mensonge qui se met en marche pour envahir l'Irak. Le Monde, selon Bush, débute ainsi par une séquence lors d'une remise de diplôme. À la tribune, le président lance aux étudiants. À ceux d'entre vous qui ont reçu les honneurs et diplômes, je dis bravo. Et aux étudiants médiocres, je dis, vous aussi, vous pouvez devenir président des États-Unis. Rires et applaudissements chez les étudiants qui apprécient l'autodérision du président. Juste après cette séquence, William Carell diffuse un témoignage de l'écrivain américain Norman Mailer pour un portrait de Bush. Nous avons le pire président de l'histoire des États-Unis. Il est ignorant, arrogant, totalement stupide dans tous les domaines, sauf un. Il a su se faire aimer par une large partie de la population, la moins intelligente, qui est très contente de lui. Car devant l'étendue de sa bêtise, ils peuvent se dire « Formidable, si ce crétin peut être président, pourquoi pas moi ?» Michael Moore, lui, essaie de mettre à la hauteur de l'Américain moyen. Il joue le candide en allant à la rencontre des députés. Parce qu'une question le démange. Pourquoi le Congrès a-t-il voté si rapidement la loi sur le Patriot Act qui restreint fortement les libertés des citoyens américains au nom de la sécurité? Le démocrate John Conyers, élu à la Chambre des représentants, l'équivalent d'un député, répond. Et comment le Congrès a-t-il pu voter une loi sans la lire? Redescendez sur terre, jeune homme. Le Congrès ne lit presque jamais les projets de loi. Michael Moore tombe des nues ou fait semblant. L'important étant de permettre aux spectateurs de s'identifier dans ce personnage de reporter à casquette qui vient demander des réponses aux élites du pays et qui a le goût de la provoque. Si les représentants du Congrès n'ont pas lu la loi, Moore a une idée, leur faire lire directement. Alors il loue un camion à glace et se balade dans les rues proches du Congrès à Washington pour présenter la loi aux députés. Messieurs les membres du Congrès, je suis Michael Moore. Je voudrais vous lire le Patriot Act. La section 1, paragraphe 210 de cette loi stipule, je cite. Moore a de l'humour, ce qui ne l'empêche pas d'avoir le sens des tragiques. C'est alors que la guerre en Irak devient le thème majeur du film, dénonçant la propagande de Bush, montrant des soldats désabusés et les nombreuses victimes civiles. Listen, all you New Yorkers. France Inter, Affaires sensibles. Fast and like the LSD. Get my BBGs from BIM. You know I'm repping Manhattan the best I can. Stop off and sneak a bar. Got thrown out. Sneaking in at 4 a.m. after going out. You didn't rob me in the park at Diana Ross. But everybody started looting when the lights went off. From the south, south, Bronx on out to Queensbridge. From Hollis, Queens, right down to Bay Ridge. From Castle Hill to the Lower East Side. From 1010 Winds to 5 and 5. Mars 2003, Irak. Dans Fahrenheit 9/11, Michael Moore montre une fête de mariage, un parc d'attractions avec des enfants, un jeune garçon chez le coiffeur, des hommes attablés au restaurant, des adolescents à vélo, des jeunes femmes qui sourient et une bande de copains qui jouent avec un cerf-volant. Et puis en parallèle, les bombes qui sont chargées dans les avions. Le 19 mars, George Bush s'adresse au monde entier. À cette heure, les forces des États-Unis et de la coalition ont déclenché une opération pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et sauver le monde d'un grand péril. Sur mes ordres, les forces de la coalition frappent les cibles d'une importance militaire vitale afin d'empêcher Saddam Hussein de déclencher une guerre. Le 19 mars 2003, George W. Bush et l'armée des États-Unis envahirent la nation souveraine d'Irak. Une nation qui n'avait jamais attaqué les États-Unis. Une nation qui n'avait jamais menacé d'attaquer les États-Unis. Une nation qui n'avait jamais assassiné un seul citoyen américain. Michael Moore n'hésite pas à montrer la réalité de la guerre en Irak. Un bébé ensanglanté, mort, chargé à l'arrière d'un pick-up rempli de cadavres. Des hommes qui cherchent le corps d'une jeune fille dans les décombres d'un immeuble. Et des soldats américains qui confient mettre du heavy metal à fond dans leur casque et tirer sur tout ce qui bouge. Certains décrivent l'horreur des cadavres décomposés avec l'odeur de la mort qui est partout. Le montage entre les témoignages des soldats et les images de cadavres est saisissant. Puis Dick Cheney, vice-président des États-Unis, prend la parole. La précision de tir et les précautions pour isoler la cible sont tout à fait impressionnantes, affirme-t-il, compte en lui. À la manière d'un zapping, Michael Moore entrechoque la propagande américaine et la réalité. Il juxtapose des séquences où une famille irakienne pleure ses morts avec une interview de la chanteuse Britney Spears qui soutient George Bush. On a déjà eu 5 enterrements à cause des bombes. Qu'Allah nous délivre de ces gens. Où es-tu, Allah? Je pense qu'on doit faire confiance à notre président et le soutenir dans ses décisions. Et être confiant pour la suite. Vous lui faites confiance? Oui. Retour en 2004, une semaine après la Palme d'Or. Le 29 mai, un accord est enfin trouvé pour distribuer le documentaire dans les salles de cinéma américaines. La société mère de Miramax, Disney, refusait de diffuser Fahrenheit 9/11. Parce que, dans le contexte préélectoral de 2004, le major américain a peur d'écorner son image avec un film trop politique. Et puis, la société craint aussi de perdre ses aides financières de l'État de Floride pour son parc d'attractions. Or, le gouverneur de Floride, c'est Jeb Bush, le frère de George. Finalement, Disney laisse le droit à Harvey Weinstein et Miramax de diffuser le film dans plus de 1000 salles américaines, un chiffre énorme pour un documentaire. Le 13 juin, Michael Moore doit plaider sa cause devant la Motion Picture Association of America, qui veut interdire le film aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. En cause, les nombreuses images violentes présentes dans le film. Le réalisateur américain leur dit alors, il est malheureusement très possible que dans les années qui viennent, de nombreux jeunes de 15 ou 16 ans soient recrutés pour servir en Irak. S'ils sont assez vieux pour être recrutés, aller au combat et risquer leur vie, ils méritent bien le droit de voir ce qui se passe en Irak. Finalement, l'interdiction est maintenue et une association conservatrice baptisée Move America Forward lance un mouvement Stop Michael Moore et envoie des milliers d'emails aux exploitants de salles de cinéma pour qu'ils ne diffusent pas le film. Le 25 juin 2004, Washington. Le film est projeté en avant-première. De nombreux politiques du Parti démocrate sont venus voir ce brûlot anti-Bush, espérant qu'il pèsera dans la campagne présidentielle. Des fans sont venus accueillir Michael Moore et ils l'encouragent en criant « Go, Michael !» Le 7 juillet, c'est au tour des Français de découvrir le documentaire. France 3 consacre un reportage qui décrit le succès du film aux États-Unis. En un mois, Michael Moore est devenu une vedette, une palme d'or. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et un film contesté ont boosté sa carrière. Fahrenheit 11 septembre a déjà rallié 10 millions de spectateurs américains. Le documentaire est premier au box-office. Je suis complètement sidéré. Je ne peux pas croire ces chiffres. À la fin du premier week-end, on était déjà à 23 millions de dollars. Et à la fin de celui-ci, on a dépassé les 60 millions. Je n'aurais jamais cru obtenir des chiffres pareils. C'est incroyable. Grâce à cet immense succès commercial, Michael Moore rêve de faire basculer l'élection américaine qui oppose George Bush au candidat démocrate John Kerry, investi le 29 juillet 2004. Le réalisateur américain confie alors dans une interview « Je m'en fiche de réussir à toucher les républicains ou non. En fait, j'ai fait ce film pour la gauche américaine qu'il faut réveiller, mais surtout les 50% de gens qui ne votent pas. Je veux qu'ils reprennent en main ce pays et ce pouvoir, ils l'ont. » Pour convaincre les Américains de voter contre Bush, Michael Moore consacre une large partie de son film à la guerre en Irak. Et contrairement aux médias américains, il évoque frontalement la mort, les blessés, le malaise des soldats. L'un d'entre eux confie « J'ai l'impression qu'on détruit une partie de son âme quand on tue quelqu'un. Oui, quand on tue quelqu'un, on tue une partie de soi. » Parmi les personnages de son documentaire, Lila Lipscomb est celle qui incarne le mieux son réquisitoire contre la guerre. Cette mère de famille a incité ses enfants à s'engager dans l'armée parce que pour elle, qui vit modestement, c'était la seule chance pour eux de gagner de l'argent et espérer se payer des études à l'université. Elle, qui déteste les manifestants contre la guerre, sort alors le drapeau américain chaque jour par patriotisme. Elle explique que toute sa famille a servi dans l'armée. « Je considère ma famille comme l'épine dorsale de l'Amérique. » C'est grâce à des familles comme la mienne, des centaines, des milliers, des millions que notre pays a pu se construire. Je suis une démocrate conservatrice. Et puis un jour, elle reçoit un coup de téléphone de l'armée. L'hélicoptère où se trouvait son fils militaire a été abattu en Irak. J'ai ressenti une douleur si forte que je me suis effondrée. J'étais seule, personne n'était là pour me relever. J'ai rampé jusqu'à mon bureau, je m'y suis cramponnée et j'ai hurlé. Pourquoi Michael ? Pourquoi tu m'as pris mon fils ? Il n'avait rien fait de mal. C'était un brave petit, un brave petit. Je voudrais qu'il soit vivant. Mais je ne peux pas le ramener à la vie. Je souffre dans ma chair. Je veux mon enfant, c'est pas logique. Une mère n'est pas censée enterrer son enfant. On voit ensuite cette mère de famille endeuillée se rendre à Washington où elle espère pouvoir trouver des réponses. Peut-être même à la Maison Blanche, elle est tellement désespérée. Dans la rue, elle rencontre une manifestante pacifiste assise sur le sol avec des pancartes qui disent « Bush tue des enfants irakiens, il ment, il tue des gens, il tue des enfants ». Alors, là, elle approuve. Oui, il a tué mon fils. Michael Moore se rend ensuite devant le Congrès avec des brochures pour inciter les députés à envoyer combattre leurs enfants. Oui, car il n'y a qu'un seul enfant de député en Irak. Monsieur le député, Je suis Michael Moore. Comment allez-vous ? Bien, bien. Je voudrais que les membres du Congrès disent à leurs enfants de s'engager dans l'armée pour qu'ils aillent combattre en Irak. Monsieur le député ? Monsieur le député ? Monsieur Castle ? Monsieur Castle ? Bien sûr, pas un seul membre du Congrès ne voulait sacrifier ses enfants et les envoyer se battre en Irak. Comment leur en vouloir ? Qui voudrait faire don de son enfant ? Vous ? Cette séquence est frappante. Très gênés, les députés esquivent ce journaliste qui vient poser les questions qui dérangent. Car la guerre d'Irak tue beaucoup plus que la première guerre du Golfe. Semaine après semaine, Fahrenheit 9/11 caracole en tête du box-office. Seul le blockbuster Spider-Man 2 parvient à le détrôner. Des millions d'Américains se pressent au cinéma en effet pour voir ce film anti-Bush. Michael Moore propose même d'accompagner les moins de 17 ans pour qu'ils puissent voir le danger et s'engager dans l'armée. Côté Parti démocrate, c'est une véritable aubaine pour la campagne présidentielle, comme l'explique Christine O'Krent dans La Palme et le Brûlot. Les partisans de Kerry, les anti-Bush, ont diffusé la cassette du film de Moore à des centaines de milliers d'exemplaires pour essayer de mobiliser les gens dans l'Amérique profonde, en leur proposant même en bonus, en quelque sorte, une conversation téléphonique avec Michael Moore. En octobre, le film bat tous les records au box-office mondial pour un documentaire. Grâce à la sortie du DVD, un mois avant l'élection, des millions de spectateurs peuvent voir le film. Fahrenheit 9/11 fera-t-il basculer l'élection ? 3 novembre 2004, jour de scrutin aux États-Unis. Et cette fois, contrairement à novembre 2000, un résultat clair se dégage. La journaliste Laurence Haïm annonce le résultat avec une certaine émotion. Vous voyez, je pense, le fanatisme de ces gens. Can you pan and can you show them what's happening here? Vous voyez l'écran, vous voyez la chaîne Fox News, vous voyez le drapeau américain, vous voyez ces gens. George W. Bush va donc encore une fois devenir président pendant 4 ans. Alors que là, vous entendez derrière moi la chanson qu'on a entendue pendant toute cette campagne qui s'appelle Only in America, seulement en Amérique. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions en disant que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. Michael Moore, lui, avale sa peine, mais il a quand même quelques raisons de se réjouir. Fahrenheit 9/11 reste à ce jour l'un des deux seuls films documentaires à avoir obtenu la Palme d'Or. Et avec 222 millions de dollars de recettes, Moore a établi un record en plus d'être devenu très riche, ce qui lui a permis de poursuivre sa carrière de réalisateur trublion avec une totale liberté. En 2018, il propose le documentaire Fahrenheit 11-9, le contraire de 9-11. Cette fois, c'est une référence au 9 novembre 2016, lendemain de victoire de Donald Trump. People sleeping in your shoes. There's a war. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Fahrenheit 9/11, un film événement, c'est le moins qu'on puisse dire, et dont on va parler avec notre invité Laurence Haïm. Bonjour. Bonjour. On vient de vous entendre tout à l'heure en situation, vous étiez emporté, c'est bien d'ailleurs, hein, journaliste parfois. Je suis toujours emporté, mais nuits électorales en général. Bah oui, bien sûr. Mais là, c'était en direct. Alors, on a parlé de ce film, de son impact, mais en théorie, vous qui étiez aux États-Unis, quel était son véritable impact sur les Américains? Alors c'est bizarre parce que je pense que ça a eu beaucoup plus d'impact dans le monde que sur les Américains. C'est ça qui est intéressant. Les Américains, à l'époque déjà, l'Amérique était extrêmement divisée. Il y avait les pro-Bush, il y avait la guerre. Et donc, bon, ces gens, ils n'avaient pas envie d'aller voir Michael Moore. Et puis les autres, ils avaient vraiment envie de se servir de ce film comme une arme culturelle de résistance. Et donc, ils en parlaient. Les démocrates, on était dans cette campagne électorale entre Bush et Kerry. Et vous l'avez très bien ressuscité. Il y avait une véritable envie que ce film serve John Kerry. Et ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on était déjà dans la radicalisation, on était déjà dans deux Amériques qui s'affrontent, et voilà, Michael Moore a essayé de faire quelque chose contre l'Amérique Bush, mais ça n'a pas marché. Bush, en 2004, hein, a été réélu, et d'assez loin d'ailleurs, contre John Kerry. Et donc l'Amérique Michael Moore s'est dit, ah c'est pas possible, il faut qu'on s'organise mieux. Ils ont commencé à se réorganiser pour la suite, qui était 2008 avec Obama. Oui, c'est pourtant Michael Moore avait peut-être une arme de destruction massive contre Bush. C'était ce reportage. Il l'a eu. Il l'a eu parce que encore une fois, vous avez les gens qui vont voir des films et puis vous avez les milieux qui comptent, les milieux politiques, les milieux économiques, les milieux intellectuels. Et ça, quand même, fait son chemin. Et surtout, encore une fois, l'Amérique, elle a été en guerre. Elle était en guerre quotidienne. Il y avait des gosses de 20 ans qui revenaient dans des cercueils. Il y a eu beaucoup, beaucoup aussi d'handicapés qu'on ne montrait pas. Et Michael Moore, avec ce film, montrait aussi l'horreur de cette guerre d'Irak. Il me rappelle un peu le philosophe Diogène, vous savez, qui, dans son tonneau, venait alpaguer les gens pour leur dire « Mais réfléchissez, réfléchissez à ce qui se passe. » L'horreur c'est exactement de la guerre. C'est exactement ça. Et il était déjà connu pour son film Bowling for Columbine. Oui, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, en tant qu'autodidacte, réussi formidablement, parce que d'abord, il s'incarnait dans les documentaires, ce qui à l'époque ne faisait pas, hein. Il se mettait en scène, il dénonçait, et c'est un activiste metteur en scène. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il ne se veut pas objectif, il le dit depuis le départ de sa carrière, et donc à chaque fois, il veut dénoncer quelque chose. Donc il a voulu dénoncer la violence quotidienne, les armes à feu, et ensuite la radicalisation. Et moi, ce que je trouve assez admirable avec lui, c'est cette modernité qu'il a. C'est-à-dire qu'il sent les mouvements de société et il les dénonce. Et ce qui est incroyable en réécoutant ça, c'est que finalement en 2001, 2002, 2003, on voit à quel point l'Amérique se transforme, mais cette Amérique existe toujours. Vous parliez de la Floride, on en parle en ce moment dans une radicalisation extrême, vous parlez des armes à feu, vous parlez de la guerre, et ces mots et ces scènes qu'à l'époque Michael Moore montre, eh bien d'une certaine manière, elles existent toujours aujourd'hui, mais de manière plus intense. Donc c'est quand même un metteur en scène activiste d'une modernité incroyable. Et sur la forme aussi, parce que vous le disiez, il présente une nouvelle écriture documentaire. Oui, c'était pas cette écriture classique, surtout aux États-Unis, qui est beaucoup plus classique dans sa manière de faire des documentaires. La documentaire, il y a une école en France, hein, qui est le cinéma vérité. Mais ça bouge aussi quand même. Ça bouge aussi, mais bon, en général, aux États-Unis, quand vous parlez de documentaire, ils se disent que vous allez faire un 90 minutes sur les fourmis de manière très classique et que ça va être très embêtant. Et là, Michael Moore, il a révolutionné ça. Il s'est dit, ok, je fais pas du journalisme, je fais quelque chose qui est de l'activisme, je me mets en scène. Et c'était assez innovant d'ailleurs pour les Américains. Il y avait eu des tentatives sur une campagne électorale, notamment de Clinton, de faire ça. Mais là, il a vraiment pris un sujet extrêmement sensible. Et puis donc, Palme d'Or. Alors ça elle est bien bonne celle-là quand même. Ont dû se dire les dirigeants à la Maison Blanche. On a vu la réaction de la Maison Blanche. Le communiqué est assez habile, hein. Oui. Alors il y avait quand même une vraie tension entre la France et les États-Unis à l'époque, parce qu'il y avait un boycott à Washington. Le rejet de la guerre. Il y avait le rejet de la guerre. Il y avait le rejet des frites françaises. Ils ont quand même boycotté les French fries. Ils déversaient dans les rues devant certains restaurants du vin. Et donc la France, les barbares. Les barbares. Et la France, c'était les gauchistes. On n'en veut pas. Ouais. Et c'est pas ça que nous incarnons. Et ce qui est très intéressant lorsque vous parlez à des gens qui étaient dans l'administration Bush à cette époque, c'est qu'ils invoquent toujours la raison d'État. Ils étaient persuadés d'avoir raison. Ils étaient persuadés que même si on les critiquait, ils faisaient ça pour le bien du pays, qui est un thème qui ensuite, on l'a vu. Hein, le côté croisade. Le côté on a raison donc on y va. On veut faire. Mmh. Et il y a eu un basculement dans Bush qui était un président, à mon sens, pas aimé, hein, et qui à un moment donné a été très aimé, notamment après le 11 septembre. Il était quand même à 90% d'opinion favorable après le 11 septembre. Ils ont utilisé quand Bush va sur les ruines du 11 septembre, quand Bush va sur un porte-avions en disant qu'on va triompher en Irak. Et puis après, il y a eu un enlisement terrible avec une méconnaissance gigantesque de la part des soldats américains. Et d'une certaine manière, Michael Moore, il captait tout ça dans son film. Il montrait, attention, il y a des choses qu'on dit à la Maison-Blanche, puis il y a des mômes qui meurent, il y a des douleurs de femmes, moi je vais vous le montrer. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans son œuvre, parce que c'est une œuvre. Mais la Palme d'Or, quand vous êtes aux États-Unis à l'époque, et moi j'y étais, il y a Tarantino, il y a 9 minutes de Standing Ovation, il y a Michael Moore qui, je crois, même, je me souviens, a le point levé. Bon, et les gens à Washington, ils sont là dans leur costume cravate, ils regardent ça à la télé, ils se disent, bon, cette bande de gauchistes, ok, mais c'est nous quand même qui mourrons en Irak. Mmh. Et c'était ça qui était dit à Washington. Eux, ils sont pas là. Alors, ils peuvent applaudir le gauchiste activiste, parce qu'il était considéré comme ça, mais nous, on est quand même sur le terrain à défendre des valeurs auxquelles on croit. Et ça, c'est fondamental pour comprendre non seulement l'Amérique Bush, mais l'Amérique est arrivée après, et notamment l'Amérique Trump. Et ça explique souvent, moi je le répète, de manière assez ancienne et contemporaine, les rapports entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, et notamment les Républicains, les Trumpistes, les Bushistes, ont toujours considéré qu'on était, ok, le pays des droits de l'homme, de la Tour Eiffel, du French Cancan, mais qu'on était aussi un pays gauchiste. Ouais. Avec bah, des gens... Bah, faut dire qu'eux sont bien à droite aussi, hein. Avec des gens qui soutiennent des activistes qui crachent sur l'Amérique. Donc, il y a une notion de patriotisme américain en politique qui rejette complètement des artistes qui montrent évidemment les excès de l'Amérique conservatrice, républicaine, trumpiste. Laurent Saïm, Michael Moore traite Bush de crétin. Alors, on a entendu ça souvent. Bush était-il un crétin ? Non, je pense pas du tout. Ça moi. Paraît difficile d'être non, président moi je, et crétin je, en même temps. J'ai beaucoup travaillé. Ça fait beaucoup. D'abord, j'ai suivi Bush dans la campagne 2004. Moi, je pensais qu'il allait être réélu parce que je voyais vraiment ce qui se passait. Et je l'avais dit que Bush serait réélu. Et je pense que ce n'était pas du tout un crétin. Je pense que c'était quelqu'un qui était dominé par Dick Cheney, avec ce vice-président qui vraiment lui expliquait les choses. Je pense qu'il n'avait pas une culture technocrate, qu'il se fiait à l'instant. Ça a été compliqué, mais c'est pas du tout un crétin, Bush. De toute manière, je fais partie des gens qui pensent que quand vous êtes président c'est ça, des États-Unis, on peut pas être crétin. On est bien et je sais que j'ai souvent été critiqué pour ça, mais je maintiens que c'est tellement dur d'être président des États-Unis et bien d'arriver sûr. À cela qu'on n'est pas crétin. On est parfois inculte. C'est différent. Oui. Comme Reagan, qui est peut-être moins un culte qu'on imaginait. Reagan, c'était un acteur de cinéma, puis on n'était pas à l'époque de Twitter. Ouais, c'est vrai. On se retrouve dans 3 minutes à peu près, Laurent Saïm, après avoir écouté La Femme va. Laurent Saïm, on vient de parler de George Bush, on a parlé un peu de son entourage avec Dick Cheney, mais enfin cet entourage, les évangélistes, les néoconservateurs, que certains ont appelé les néocons, ont été très influents. Sont-ils encore influents? Que pèse leur parole encore aujourd'hui? C'est fondamental. Alors, on voit ce qui se passe avec l'avortement en ce moment aux États-Unis. Il y a quand même presque maintenant 25 États où ce ne sera plus possible en tant que femme d'avorter. Et c'est quelque chose de fondamental. Ça a toujours été aux États-Unis, encore une fois, cette Amérique divisée, une Amérique religieuse, une Amérique extrêmement conservatrice. Maintenant, on est dans une Amérique que je qualifie personnellement d'Amérique fanatique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est regarder l'Amérique fanatique par rapport à une Amérique organique. Vous avez les jus de carotte, si on caricature, par rapport à des gens qui vont être contre l'avortement. Et il y a... C'est l'échec d'ailleurs, à mon sens, de l'Amérique démocrate. Ils n'y arrivent pas là, on le sent bien. Il y a quelque chose qui se passe où le centre n'existe plus. Et je dis toujours que il y a 10 ans dans la rue, c'était impossible aux États-Unis de se dire qui est démocrate, qui est républicain, en tout cas qui est trumpiste, parce que moi je fais partie des gens qui pensent que le trumpisme a remplacé le parti républicain. Et là, quand vous êtes dans les rues en Amérique, vous savez rien qu'en regardant les gens, leur manière de manger, leur manière de se vêtir, leur manière de parler, qui est d'un certain côté et qui est de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'Amérique, avec une radicalisation, avec des familles qui ne se parlent plus, avec des familles qui ne s'invitent plus. Et on dit toujours que tous les mouvements de société qui se passent aux États-Unis arrivent quelques années plus tard en France. Et donc tout ce qui se passe en ce moment sur cette radicalisation, sur cette division extrême d'une société qui ne se parle plus, qui n'arrive plus à dialoguer, qui n'est que dans la rue pour se crier dessus, il faut faire attention. C'est pas très optimiste. Effectivement. Alors, il y a eu un autre tournant sous George Bush et consécutivement aux attentats, bien sûr, c'est le Patriot Act. Et ça, c'est fondamental dans une société démocratique. C'est-à-dire, comment trouver l'équilibre entre la sécurité des concitoyens et la liberté requise et légitime dans une démocratie. Le Patriot Act ne répond pas par un équilibre. Non, et c'est toujours ce débat, qu'est-ce qu'on peut faire et en tant que démocratie, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des choses qui ne sont pas démocratiques pour lutter contre les menaces visant la démocratie. Donc c'est un débat extrêmement complexe. Je pense qu'à l'époque où le film de Michael Moore aussi fait tant de bruit, il va y avoir quelque chose sur lequel moi j'ai participé, qui est le document de CBS sur Abu Ghraib, ce qui se passe dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, avec ces soldats américains qui torturent des prisonniers irakiens, certains prisonniers irakiens d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. C'est l'époque aussi de Guantanamo, avec des gens qui partent à Guantanamo au nom du Patriot Act, au nom de la sécurité américaine. Il y a quand même des enfants qui se retrouvent à Guantanamo, et il y a quand même une Amérique qui est extrêmement rigide, militaire, pratiquement une Amérique sécuritaire qui se met en place dans cette démocratie, et je pense que cette démocratie emporte toujours les traces aujourd'hui. D'ailleurs, Guantanamo n'est toujours pas fermé. Mais bien sûr. Et on en revient aussi à cette question lancinante, parce qu'on n'a pas franchement la réponse. Je vous demande votre regard personnel sur cette question. Pourquoi Bush et son équipe voulaient-ils absolument attaquer Saddam Hussein et l'Irak? Pas seulement pour finir le travail de papa, j'imagine c'est un peu court. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de documents qui ont été déclassifiés. Il y a une commission qui s'appelle la commission du 11 septembre, où on trouve plein de choses, etc. Il y avait une division au sein de l'administration Bush, mais c'est vrai que Saddam Hussein, ils vous disaient tous chaque fois que vous les interviewez, on ne sait rien, vous ne savez rien, et Saddam Hussein fait tout. Et moi je mets ce qui s'est passé sur le compte de l'inculture américaine. Il y a beaucoup de gens qui ne voyagent jamais, qui ne sortent jamais des États-Unis, parce qu'ils considèrent que les États-Unis c'est 50 États et que c'est pas la peine d'aller voir le monde, et à un moment donné, eh bien l'inculture, même au plus haut niveau de l'État, ça provoque des catastrophes. Et je pense qu'au sein de l'administration Bush, il y avait des gens qui étaient absolument persuadés, et vous avez raison de le rappeler, Bush père, qui avait quand même été le patron de la CIA, disait attention, l'Irak c'est dangereux, etc. Ils étaient persuadés qu'il y avait des armes de destruction massive. Il y a un échec des services de renseignement. Excusez-moi, ils étaient persuadés, ils y croyaient. Ah oui, oui, non, ils étaient absolument persuadés. D'ailleurs, si vous vous souvenez de ce qui se passe à l'ONU, même avec Colin Powell à l'époque, mais les services de renseignement ne cessaient de répéter à Bush, le président, il y a des armes de destruction massive. Pendant la, après les attentats du 11 septembre, il y a eu aussi, et on s'en souvient pas forcément en France, mais moi je vivais là-bas, je me souvenais de ça, il y avait dans des chaînes de télévision et dans des entreprises de l'anthrax qu'arrivait cette poudre blanche, oui. Avec on savait pas qui envoyait ça, d'ailleurs on n'a jamais su qui a envoyé ça, parfois, et il y avait vraiment une peur d'une attaque chimique, etc. Il y avait des médias qui étaient devenus très patriotiques, qui, sous les coups de l'émotion du 11 septembre, n'était plus factuel. Et donc, il y avait vraiment cette drôle d'ambiance. Et d'après ce qu'on sait, George W. Bush, il était quand même très influençable et il écoutait ce qu'on lui disait. Et il y avait des gens comme Dick Cheney qui étaient absolument persuadés, pour des raisons militaires, mais aussi sans doute économiques, hein, parce qu'il y avait beaucoup de pétrole en Irak, qu'il fallait absolument changer cette partie du monde et que d'une certaine manière, Saddam Hussein, s'il était plus là, ce serait bien. Là où ils ont très mal calculé, c'est qu'ils ne pensaient pas que la suite allait arriver. C'est-à-dire qu'ils pensaient tous que, et Rumsfeld, qui à l'époque était à la Défense, le disait, on va être accueillis avec des roses. Les Irakiens vont être contents de la libération. Et bon, les Irakiens les ont pas forcément accueillis avec des roses, mais au départ, les deux premiers mois, moi j'étais à Bagdad, je me souviens que c'était quand même plutôt tolérant. Et après, c'est l'échec de Bremer qui était en charge de Bagdad. L'électricité a été coupée pour des millions de gens, il y a eu des exactions, il y a eu ces mômes, vous en avez parlé, qui dans les rues de la capitale avec du heavy metal qui n'y connaissait rien. Il y avait une inculture totale par rapport à cette partie du monde. Et en fait, l'occupation irakienne par les Américains a été désastreuse. Et selon moi, cette occupation américaine, désastreuse, mal calculée, avec des erreurs de comportement massifs, avec, je me souviens, à Fallujah, dans un petit village, un général américain, il y a tout le village qui lui a préparé un méchoui, ça leur a pris 2 jours pour préparer le méchoui, le général américain, quand il arrive, on lui propose un café qui est tellement important dans la culture irakienne, et le général irakien regarde le maire de Fallujah et lui dit, je veux du Coca-Cola. Et bien cette histoire, pour moi, résume... Elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. Et ils s'en sont parmi de ça. Et ce sera la dernière chose, parce que je regarde la pendule, qui me dit, c'est fini. Et moi je vous dis merci. Mais merci à vous, c'était très intéressant, et avec beaucoup d'émotion, j'ai réécouté cette Amérique-là, qui à mon sens est hélas l'Amérique 2022 aussi. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Fahrenheit 9-11, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib.